J'ai une tache de vin sur la main, un grain de beauté mal placé. J'ai des yeux bleus d'amoureux, une dent de lait qui est pas tombée. J'ai le nez de mon père et le sourire de ma mère. Y a l'heure de prénom par terre, tatoué sur une pierre. J'ai un bouton sur le front, une cicatrice sur la cuisse. J'ai une verrue qui a disparu, l'ongle de mon pouce qui repousse. À l'atelier, je rigole, le nez dans la colle. Puis je fais de la peinture partout sur les murs. J'ai des croûtes au mois d'août, du rap de frites y a Brigitte. J'ai ma série le mercredi, une fois par an du chocolat blanc. Parfois je m'assois sur un banc et je regarde le temps. Les autres sont un peu bizarres, ils parlent au canard. J'ai le rêve qu'on m'enlève vers l'aventure après le mur. Je suis plein d'espoir dans le noir de voir une femme sauver mon âme. Je fais des allers-retours en pensant à l'amour. Puis j'imite l'hélicoptère et je tombe par terre.